franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur une opération de sauvetage spectaculaire et mémorable. L'histoire des 33 mineurs chiliens pris au piège dans les entrailles de la Terre, c'était en août 2010. Ce scénario semble tout droit sorti d'un film. Pendant 69 jours, des hommes vont vivre une aventure humaine inédite, emprisonnés dans la roche à plus de 700 mètres de fond. Pendant plus de 2 mois, leur pays, le Chili, va retenir son souffle en priant chaque soir pour leur libération. Et le monde entier va suivre pas à pas ce spectacle émouvant, captivant, retransmis en direct à la télé. Ce qui se joue à cette profondeur et dans le noir est une leçon de courage, un modèle de patience et d'abnégation de la part de 33 mineurs face à un calvaire qui refuse de prendre fin. Les 33, c'est leur surnom, resteront à jamais dans l'histoire pour avoir résisté aux pires conditions qui soient, la faim, la soif, la chaleur et l'obscurité. Pour revenir sur cette incroyable aventure, après le récit, nous avons invité la réalisatrice Sylvie Blum, productrice à l'INA. Elle est l'auteur d'un documentaire intitulé « Carnet de sous-sol ». Vous entendrez également le témoignage de l'un des mineurs chiliens pris au piège en août 2010, Anaël Verzo, la joint au téléphone, dans le sud du Chili. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara, avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, lecture Philippe Pierrard et Eric Oswald, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Charles Pélabon. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Des rafales de vent froid, des rouleaux de poussière ocre et un balai incessant de camions géants chargés de pierres. Bienvenue dans la région du Norte Chico, dans le désert de l'Atacama au Chili. Nous sommes à 800 km au nord de la capitale, Santiago. Et en ce mois d'août 2010, en pleine journée, le thermomètre indique 4 degrés, signe que nous sommes bien en plein hiver austral. Une dizaine d'heures de route sont nécessaires pour atteindre cet endroit reculé. Le paysage, lui, a quelque chose d'apocalyptique, étonnant mélange de soleil et de rocailles, printanier le jour, mais glacial la nuit. Pourtant, à en croire les guides de voyage, cette région attirerait et abriterait plusieurs dizaines de milliers de personnes venues de tout le Chili et du reste de l'Amérique du Sud. Pourquoi un tel attrait? Qui pourrait vivre ici? Y aurait-il un lien avec tous ces camions que l'on croise sur la route? Oui. C'est caché derrière les collines arides et rouges qui font office de panorama à 360 degrés qu'on trouve d'immenses cratères dont certains sont d'une superficie équivalente à plusieurs centaines de terrains de football. Ici, rien de naturel, non. Ces cavités sont d'immenses complexes miniers, mines d'argent, d'or, de fer ou de cuivre. La région possède d'incroyables gisements souterrains. Parmi les camions que l'on aperçoit sur la route, certains reviennent de la mine San José, un complexe privé de taille moyenne, vieux de plus de 120 ans et considéré dans toute la région comme un site à risque. Car à l'instar d'autres mines, San José est devenu au fil des années un bourbier. Ici, la gestion est calamiteuse. Les propriétaires négligent toutes les normes de sécurité par souci d'économie. D'ailleurs, 3 mineurs sont morts ici depuis 2003. Quant aux accidents, ils se comptent par centaines. Quelques semaines plus tôt, la rupture d'un plancher avait coûté la jambe à un ouvrier. Pourtant, personne ne s'émeut d'une telle situation, pas même les autorités de contrôle. Si on ajoute à cela le risque géologique, San José réunit tous les ingrédients du drame qui va se dérouler ici. Jeudi 5 août 2010, il est 6h30 du matin, un brouillard compact a envahi les rues sombres de Copiapó. Luis Utsua, le chef de l'équipe A de la mine de San José, sort de chez lui. Comme chaque fois qu'il part à la mine, ce fils et petit-fils de mineur embrassent sa femme et ses deux filles avant d'entamer, comme il dit, une journée de pénitence qui durera 12 heures, 13 si la navette du retour a du retard. Tous les mineurs partent en pénitence, pourtant ils n'ont rien à se faire pardonner. Mais ce sont les forçats de notre époque. Pour que la mine de San José fonctionne sans interruption, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les propriétaires font travailler deux équipes qui se relaient. Ainsi, de jour comme de nuit, San José est une fourmilière qui ne dort jamais. Alors que lui sorte soi, marche en direction de l'arrêt de bus, les traits du visage de cet homme de 54 ans traduisent la fatigue et l'usure. Lui est topographe, et comme la grande majorité des hommes de la région, il a choisi de travailler à la mine, car le salaire y est 3 ou 4 fois plus élevé qu'ailleurs. À 7 heures précises, le bus embarque lui et une trentaine d'hommes et prend la route de San José à une quarantaine de kilomètres. À bord, ce matin-là, l'ambiance est détendue, comme en témoignera plus tard le chef de l'équipe A. Ce matin-là, dans le bus, j'étais assis à côté du jeune Jimmy Sanchez. Jimmy avait tout juste 18 ans. C'était un petit gars débrouillard. On savait qu'il allait bientôt avoir un bébé avec sa femme. Il n'avait pas l'âge pour aller travailler à la mine, mais tout le monde fermait les yeux. Les uns, parce qu'ils avaient besoin de jeunes gars comme lui pour travailler et ne pas trop poser de questions. Les autres, parce qu'eux aussi avaient fait la même chose étant plus jeunes. À côté, il y avait aussi notre patriarche à tous, Mario Gomez, 59 ans. C'était l'une de ses dernières semaines dans la mine avant de pouvoir enfin prendre sa retraite. Quelques rangs derrière, celui qui monopolisait l'attention, c'était l'autre Mario, Mario Sepulveda. Ah, Mario, toujours là à raconter des histoires à dormir debout et à en rire lui-même plus fort que les autres. Seulement, là, pour changer, c'est Yoni Barrios qui lui volait la vedette en racontant aux autres comment sa femme avait découvert qu'il avait une maîtresse. Parmi ceux qui s'étaient rendormis, je voyais les visages d'Alex, de Carlos, de Victor. Ça me faisait toujours plaisir de les revoir. À force de passer autant de temps ensemble, on était presque devenu une famille, avec ses bons et ses mauvais moments. Une heure après, les hommes de l'équipe A arrivent dans le complexe minier de San José avec le premier rayon du jour. Dans les baraquements insalubres qui leur servent de vestiaire, ils s'équipent, casque et lampe frontale, gilet orange, chaussures de sécurité et ceinture avec des outils pour certains. En sortant, Luis Ortsua procède au briefing. À 9h, une camionnette vient chercher les mineurs. Une centaine de mètres et quelques virages entre les rochers sont nécessaires à parcourir pour arriver aux portes de la mine. Un endroit symbolisé par un arc de terre de 5 mètres sur 5, partant du sol, faisant figure de barrière entre deux mondes. D'un côté la lumière, de l'autre l'obscurité. Dernier rituel pour nos 33 mineurs, une prière face à la statuette de la Vierge Marie installée sur un présentoir. Un moyen dérisoire pour se donner du courage avant d'affronter l'enfer. Désormais pour Luis, Carlos, Daniel, Mario, Yoni et les autres, direction le fond. À mesure que la camionnette de transport descend dans la mine en suivant un long couloir en forme de spirale, sur la console de bord, la température grimpe en flèche et atteint les 42 degrés. L'air est chaud, mais surtout lourd, avec un taux d'humidité frisant les 98%. Après 45 minutes de trajet, on débarque l'équipe A au niveau 40, soit un peu plus de 700 mètres sous terre. Certains mineurs continuent de descendre pour consolider une galerie partiellement éboulée, d'autres déblaient des amas de roches. Ainsi, les heures passent. Mais en bas, ce matin-là, quelque chose ne va pas. Les hommes sont inquiets. La terre gronde et partout dans les galeries, on entend des bruits inhabituels. À plusieurs reprises, la montagne n'a cessé de faire entendre son gémissement. Des coups de tonnerre à répétition parcouraient les parois. Quand on a demandé au directeur Pinilla par radio si tout était normal sur les appareils de mesure, il nous a juste engueulé en disant que si on continuait à nous plaindre, il allait descendre pour nous apprendre la discipline. Pinilla, c'était le genre à aboyer en permanence. C'était un exploitant. Gérer la mine, extraire du minerai pour gagner de l'argent en rognant sur tout le reste. Pour lui, il n'y avait que les chiffres de la journée qui comptaient. Combien on avait extrait, de combien on avait progressé dans les galeries. De nous, il s'en foutait. Il pouvait manquer un homme ou deux, ce n'était pas son problème. Quelques jours plus tôt, Daniel Herrera lui avait demandé de changer les filtres à air de nos masques, car on avait souvent du mal à respirer. Pinilla l'a envoyé sur les roses. Et ce matin, on refusait de croire ce qu'il nous disait, car le bruit était bien trop fort. « 13h30, alors que les membres de l'équipe A répartis à plusieurs endroits de la mine attendent avec impatience l'heure du déjeuner, l'éclairage des lampes au néon se met soudainement à vaciller. Puis un bruit sourd et profond se fait entendre dans les galeries. Le sol vibre avant de laisser place à un calme inquiétant. Les secondes passent, les hommes se regardent. Tous attendent et craignent une éventuelle réplique du tremblement. C'est alors qu'un nouveau bruit de fracas retentit encore plus lourd, encore plus profond. Des morceaux de roche s'effondrent sur les mineurs. Pris de panique, ils se mettent à courir pour tenter d'échapper aux éboulements. Dans son bureau, situé une trentaine de mètres au-dessus de l'ouverture de la mine, le directeur, Pinilla, entend lui aussi gronder le tonnerre. Il hurle « Quelle est la brutie qui a touché aux explosifs? On ne devait rien faire sauter aujourd'hui !» Son téléphone sonne, son adjoint lui annonce qu'un épais panache de fumée s'échappe de l'entrée de la mine. Alors le directeur se lève et se précipite hors du baraquement. Aussitôt dehors, il comprend. La mine vient de s'effondrer. Sur les 34 hommes présents dans la mine, seul le chauffeur Raoul Villegas parvient à s'échapper de cet enfer souterrain. À bord de son pick-up, il était à quelques centaines de mètres de la sortie lorsqu'il a senti un déchirement et un souffle chaud dans le dos. Horrifié par ce qu'il a vécu, il raconte avoir vu enfler dans son rétroviseur un nuage de poussière qui a fini par le dépasser avant que par miracle, il n'atteigne la sortie. Prévenu par les proches ou par les amis qu'un éboulement a eu lieu à San José, les familles des mineurs accourent. Ici, au Chili, la séparation entre le monde de la ville et celui de la mine est si grande que la plupart des épouses et compagnes ne savent pas exactement où se situe la mine et il leur faut l'aide d'autres mineurs pour s'y rendre. Quand elles arrivent sur place, les familles pensent trouver des secours, des sauveteurs, enfin quelqu'un qui parlait. Mais à leur grand étonnement, il n'y a personne. Les grilles du complexe sont fermées et, mis à part quelques gardiens qui leur crient de rentrer chez eux, il n'y a pas la moindre trace d'une équipe de secours. Au loin, on aperçoit une épaisse nuée brune, grumeleuse, qui semble s'échapper de l'orifice difforme de la mine, seul stigmate visible de la catastrophe qui vient de s'y dérouler. Le lendemain matin, le sentiment de colère remplace la tristesse des familles, car sur place, il n'y a aucune gestion de crise et personne ne semble tenter quoi que ce soit pour aider les mineurs. À son arrivée, le directeur de la mine, Carlos Pinilla, est violemment pris à partie. Avez-vous un contact avec les survivants ? Je n'ai pas d'informations à vous donner là-dessus, mais tout est organisé en ce qui concerne les secours. Nous sommes prêts pour commencer les opérations. Mais avez-vous réussi à les contacter ? Non, nous n'avons pas réussi. Aucun contact. Et pour cause. L'éboulement a été d'une telle violence que tous les réseaux électriques et lignes de téléphone ont été déconnectés. Il est donc impossible d'entrer en communication avec le fond de la mine. Et contrairement à ce qu'affirme le directeur, aucune équipe de sauvetage n'est en route. Comble de l'absurde, des pelleteuses et bulldozers, seuls capables de déblayer les débris dans un tunnel, sont à l'arrêt, oui, faute d'essence. Venus de la ville voisine de Copiapó, de nombreuses personnes se proposent bénévolement pour participer aux recherches et au déblaiement de la mine. On leur refuse, prétextant que la zone est encore trop instable. Il faut attendre le surlendemain, soit 48 heures après la catastrophe, pour que les autorités prennent enfin la mesure du drame. Dépêché en urgence, sur place, le jeune ministre des Mines, Lawrence Goldbrown, vient constater la gravité de la situation. À son arrivée, il s'entretient avec le directeur. Ce dernier lui apprend que même si certains des 33 mineurs auraient pu survivre à l'éboulement, le refuge situé à 688 mètres sous terre, qui pourrait leur servir d'abri, ne dispose de vivres et d'eau que pour 2 ou 3 jours maximum. Et il ajoute, maladroit ou cynique, ou peut-être les deux, « Si vous voulez mon avis, c'est peine perdue. Avec la silicose, une maladie qui touche les poumons des mineurs, ils n'ont aucune chance. » Stupéfait, le ministre lui fait remarquer que dans chaque mine, il y a obligatoirement des cheminées de secours pour évacuer les ouvriers en cas de problème. Le directeur lui explique alors que les travaux des cheminées n'ont jamais été terminés et que désormais la seule issue de sortie est bloquée par près de 700 000 tonnes de roche. Scénario catastrophe. Alors que dehors, la foule gronde derrière les grilles, le ministre Goldbrown décide de faire une déclaration, la première depuis l'accident. Votre attention. Les travaux d'élargissement de la galerie ont causé de graves dommages. Cela bloque désormais toute possibilité d'entrer dans la mine. En coordination avec l'équipe technique, nous essayons désormais de trouver une autre solution pour les sauver. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons des nouvelles. Au quatrième jour, les familles campent toujours devant les barrières du complexe minier. Soudain, on entend des cris de joie. Oui, car au loin, on aperçoit une file de camions de chantier qui se dirigent vers la mine. Ce sont les équipes de forage réquisitionnées par l'État chilien pour porter assistance aux mineurs. L'éboulement de la mine de San José devient une affaire d'État. Le président Piñera, en très mauvaise position dans les sondages depuis sa gestion erratique du tremblement de terre survenu quelques mois plus tôt, ne veut pas perdre la face. Au contraire, il se dit que si on arrive à sauver les mineurs, ce sera l'occasion rêvée de regagner les faveurs de son électorat. Au même moment, les ingénieurs travaillent sur la meilleure façon de forer pour réussir à atteindre le refuge à plus de 688 mètres sous terre. Mais vu la densité de la roche, il faudra au minimum 8 jours pour atteindre une telle profondeur. Et ce, malgré l'aide d'une dizaine de foreuses en action, 24 heures sur 24. Le ministre et les autorités chiliennes décident alors de mettre en place un camp pour accueillir les familles et les proches des mineurs. On le baptise « El Campo Esperanza », le camp de l'espérance. On y remplace les tentes rudimentaires par des préfabriqués avec douches collectives, cuisine principale, antenne relais pour les téléphones portables et même un petit hôpital de campagne. Du côté des autorités, on sait désormais que, triste ou heureux, le dénouement de cette affaire prendra du temps. De leur côté, les familles veulent garder à l'esprit que leurs proches sont toujours en vie, comme en témoignent ces deux jeunes femmes, au micro de France Inter. Ma petite sœur me demande où est papa. Je lui ai dit qu'il était dans la mine, mais je ne lui ai pas dit qu'il y avait eu un accident. Vous savez, ici, les gens parlent beaucoup. Certains disent qu'ils pourraient être en vie, d'autres disent qu'ils sont probablement morts. Moi, je ne veux pas y croire, je veux rester optimiste. Car je sais que notre frère et ses collègues sont toujours vivants. Qu'ils soient plus en vie, non, je sais qu'ils sont en vie. Deux semaines plus tard, nous sommes le 19 août, tous les yeux sont rivés sur la foreuse numéro 4 dont la tête est censée atteindre le refuge. Mais à 14h15, les machines s'arrêtent, le percement a dévié dans la roche et a manqué sa cible. Or, c'était l'opération que beaucoup considéraient comme celle de la dernière chance. Au camp, parmi les familles, la déception est immense et pour la première fois, on se laisse aller à l'idée que c'est peut-être la fin, jusqu'à en oublier le nom du camp, Esperanza, comme on les comprend. De leur côté, plusieurs experts estiment qu'avec la chaleur et le manque d'eau et de nourriture, il n'y a désormais plus aucune chance de retrouver ne serait-ce qu'un survivant. Alors, à quoi bon continuer ces coûteuses recherches? Pourquoi s'entêter? Eh bien parce qu'il le faut, répond le ministre des Mines, Lawrence Goldbraun, lui qui est à la tête des opérations de secours et qui s'est engagé personnellement auprès des familles à tout tenter, lui qui vit en ville et qui n'avait jamais mis les pieds dans une mine jusqu'alors, refuse d'abandonner, il refuse de les abandonner. Cae el sol en la ciudad. No quiero hablar, no quiero imaginar. Sin luz que ilumine los pasos, que el viento borrará. Un taxi tomo, no sé cómo es el final. Me voy, no importa qué lugar. Estoy pudriendo en cada lazo que no desato. Es esto el tiempo que se va, nos va dejando atrás. El tiempo que se va. Bonjour. Oui, je vous entends. Vous parlez au ministre des Mines, Laurence Goldbraun. Allô ? Oui, je vous entends. On vous écoute, parlez fort et clairement. Qui parle ? La voix que vous entendez, c'est celle de Louis Sourcoua. Louis Sourcoua, je suis le ministre Laurence Goldbraun. Nous sommes ici réunis avec une vingtaine de personnes pour vous apporter une aide immédiate. Comment vous sentez-vous ? Comment ça va en bas ? C'est OK, on va tous bien. On est tous là, on est juste fatigués. Parfait. On va trouver une solution pour vous envoyer vite de l'eau et ce qu'il vous faut grâce au tunnel du premier forage. Oui, il nous faut surtout de l'eau et tout ce qui peut nous permettre de vivre dans le refuge. Tenez bon, nous allons tous vous sortir de là, que personne parmi vous ne s'inquiète. Lundi 23 août 2010, le camp Esperanza est en ébullition. Sur tous les visages, la joie a remplacé la tentation du désespoir. La communication que vous venez d'entendre est la première entre la mine et la surface, capable de déjouer les pronostics les plus pessimistes. On le sait maintenant, les mineurs ont résisté et du fond de leur refuge à 700 mètres sous terre. Ils sont vivants. Les efforts du ministre Goldbraun ont payé. Un forage tenté à la hâte a permis d'atteindre l'abri dans lequel ont trouvé refuge les 33 hommes. Oui, 33. Car à la surprise générale, tous ont survécu. Dans leur abri d'une cinquantaine de mètres carrés connectés à plusieurs longs couloirs, ils sont là. Désormais, grâce à ce trou foré d'une largeur de 10 cm à peine, s'organise un incessant va-et-vient de pigeons voyageurs, des capsules remplies de nourriture lyophilisée, de poches d'eau, de médicaments, de t-shirts propres, des gommes à la nicotine même pour les fumeurs, et aussi des vaccins. Sur France Inter, le spéléologue Michel Chiffre réagit et fait part de son optimisme. Le problème, c'est que je crois qu'à cette profondeur, c'est très chaud. Vous savez, la température, quand on fait un forage, augmente d'un degré tous les 33 mètres. Donc, il fait chaud quand même. Hein. Mais moi, je crois qu'ils sentiront. Parce que à partir du moment où ils ont une liaison avec l'extérieur, c'est un fil d'Ariane formidable, si vous voulez. Sur le plan moral, ils doivent tous se dire qu'ils vont en sortir. S'ils sont alimentés en air, s'ils peuvent manger et boire, ils devraient pouvoir s'en sortir. Bon, ils vont maigrir, ils vont avoir des troubles de sommeil, ils vont avoir une horloge interne qui va être légèrement déréglée. À mon avis, même avec les forces de la surface, ils maintiendront quand même pas la synchronisation. En surface, des médecins et psychologues entrent en contact, un par un, avec les 33 mineurs. Leur constat est lucide. Il révèle une vérité incontournable. Si ces hommes ont réussi à s'organiser, à résister et à vivre sous terre, ils sont désormais psychologiquement et physiquement exténués. Il faut donc les sortir au plus vite. Bien. Mais comment procéder ? Comment les remonter sans risquer l'effondrement des milliers de tonnes de roches qui se trouvent au-dessus de leur refuge ? Autrement dit, comment éviter que le boyau ne devienne tombeau ? Alors que l'attention des médias du monde entier se tourne vers le Chili et que les mineurs de San José font l'ouverture de tous les journaux de télé, nombreuses sont les entreprises de forage qui proposent leurs services aux autorités chiliennes. Parmi elles, une société américaine, une canadienne et une autre, australienne. Chacune possède des machines et des techniques parmi les plus avancées en matière de prospection et de forage souterrain. Toutes les trois vont alors, par leur propre voie, tenter de créer un passage entre la surface et le refuge. De son côté, la NASA, l'agence spatiale américaine, envoie sur place quatre de ses experts spécialisés dans la gestion de crise en milieu clos. L'un d'eux, Michael Duncan, se félicite de la tournure prise par l'opération de secours. Nous sommes très impressionnés par l'organisation de l'équipe de sauvetage et par l'attention médicale qui a été prodiguée. Et nous avons aussi été très impressionnés par le courage et l'organisation des mineurs dans ces conditions difficiles. Mais à San José, les jours passent, puis les semaines. Et la situation des mineurs ne s'arrange pas. Après presque 2 mois de captivité, rendez-vous compte, 2 mois. Expérience inhumaine au sens premier du terme, car ce sont les morts qu'on met sous terre. Malgré d'intenses opérations de sauvetage et malgré tous ses efforts, le ministre des Mines n'a toujours pas de réponse à apporter aux journalistes qui lui demandent quand les mineurs vont pouvoir sortir et surtout, s'ils vont sortir. Bientôt, leur répond le ministre. Bientôt. C'est ce qu'on dit quand on ne sait pas. Dans la presse chilienne, de nombreux éditorialistes s'interrogent et craignent désormais qu'on assiste à un drame en direct à la télé, des hommes enterrés vivants. Les mineurs, eux, continuent de se filmer, de montrer leur quotidien entre douches au jet d'eau, séances de vaccination et concours en tout genre. Et comme dans une incantation, ils encouragent les secours à ne pas renoncer. Nous vous remercions de ne pas nous avoir abandonnés. Et nous sommes bien conscients de tous les efforts que vous faites dehors pour nous sortir de là. Il faudra attendre le 5 octobre, 2 mois après l'accident, pour qu'une nouvelle arrive. Elle provient du sillon creusé par les Américains. Malgré une nouvelle casse mécanique, leur foreuse est désormais à quelques mètres seulement de l'abri des mineurs. Plus loin, les ingénieurs chiliens profitent de cette bonne nouvelle pour dévoiler la capsule Phénix blanche et grise, sorte de tube d'un mètre de largeur sur 2 mètres de hauteur, qui va servir à remonter les mineurs, ce qu'on appellerait en mer un canot de sauvetage. L'un d'eux, Miguel Fort, en explique le fonctionnement. Son design doit permettre de les protéger de n'importe quelle chute de pierre importante, de leur fournir une illumination, une communication et de l'oxygène en plus, pour qu'au cours du trajet d'extraction de chaque personne, tout se passe dans la plus grande sécurité et le plus tranquillement possible. Ce trajet devrait durer entre 40 et 45 minutes. 48 heures plus tard, le forage atteint enfin le refuge, la délivrance, là encore, dans le sens premier du terme. Tout est prêt maintenant pour évacuer les mineurs, le compte à rebours est lancé. Mercredi 13 octobre 2010, minuit. Autour du site minier de San José règne une agitation, une tension exceptionnelle. Voilà exactement 69 jours que les mineurs chiliens sont prisonniers. Et c'est aujourd'hui, enfin si tout va bien, qu'ils vont en sortir. Devant les caméras du monde entier présentes autour du forage américain, le président chilien Sebastián Piñera lance l'opération de récupération des mineurs. Alors on insère la capsule dans le tunnel précédemment creusé. Elle s'apprête à sortir les 33 mineurs et les rendre au monde des vivants, celui où l'on respire, celui où l'on voit le ciel. Puis, durant un processus long et minutieux qui durera 22 heures, les mineurs remontent un à un à la surface, accueillis par des cris de joie et des chants. Ils étaient déjà des modèles, ils sont devenus des héros. Mine de San José, mercredi 13 octobre 2010, 21h55. Après 32 allers-retours, la capsule Phénix remonte pour une ultime navette avec à son bord le dernier des mineurs prisonniers, le chef d'équipe, Luis Urzúa. Une dernière accolade avec les secouristes. Et Luis Urzúa embarque dans la nacelle Phénix. En surface, les familles n'ont jamais chanté aussi fort. 622 mètres de remontée. Et celui que les 33 surnomment le capitaine retrouve la liberté. Le chef de car, Luis Urzúa, vient d'arriver en très bonne condition physique. C'est l'ultime étape d'un sauvetage historique. Qui m'entiraille le palais des autres jours d'hier. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le sauvetage des 33 mineurs chiliens en 2010. Notre invitée, la réalisatrice Sylvie Blum. Bonjour. Merci. Oula, on vous entend parler. Vous allez vous rapprocher du micro. Ouais. Voilà. Merci d'être venue jusqu'à nous. Vous êtes productrice à l'INA. Vous êtes l'auteur d'un documentaire intitulé Carnet de sous-sol, diffusé sur France 5 en octobre 2012. Vous êtes partie à la rencontre de certains des survivants de ce groupe des 33 et de leur famille pour faire ce documentaire. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette histoire? Au point donc d'en faire un documentaire, parce que se lancer dans un doc, c'est un investissement personnel. On vit avec son sujet pendant les mois de tournage, on est avec lui, il est là, il fait partie de notre vie, donc il faut être très motivé. Qu'est-ce qui vous a motivé? En fait, j'avais déjà tourné dans cette région, donc je connaissais cette communauté de mineurs. On avait tourné avec Carmen Castillo plusieurs films dans le désert d'Atacama, et j'avais gardé des liens. Et ce sont eux qui m'ont appelé, en fait, pas des 33, mais des amis à eux, en disant « mais pourquoi tu reviens pas ?» faire un film sur cet accident. Et donc, je leur avais promis que je reviendrais, mais je n'avais pas du tout envie de revenir alors que tous les médias étaient là. Donc, je leur ai dit, je reviendrai un an après, lorsque tout le monde sera parti. Alors, un an après les faits, en 2011, alors que l'ombre commençait à retomber sur cette histoire, vous l'avez dit, vous êtes parti avec Carmen Castillo, c'est bien ça, hein? Non, enfin, Carmen, avant. Consuelo, c'est sa sœur Consuelo Castillo m'a servi de, je dirais, d'assistante, elle a été formidable. Bon, enfin, vous avez rencontré combien parmi les 33? Donc, Consuelo Castillo est allée en repérage. D'abord, heureusement, elle est chilienne, elle habite là-bas. Donc, elle est partie à Copiapo rencontrer ces gens. Elle en a rencontré 7 parce qu'il y en avait beaucoup qui refusaient de parler à ce moment-là, qui refusaient encore de parler en attendant le film hollywoodien qui leur rapporterait des milliards. Et donc, elle en a trouvé 7 que j'ai rencontrés les uns après les autres. Et ceux-là étaient très heureux, au contraire de... Pourquoi ils étaient heureux? C'était une thérapie pour eux de parler? Ça leur faisait du bien? Oui, je crois vraiment que, en plus, on a eu un dialogue, je dirais, assez intime, personnel avec eux, chacun. Et il y a même un couple qui m'a dit après, nous sommes réconciliés grâce à vous. Bon. Et est-ce qu'ils en voulaient à leur patron dans ce qu'ils vous ont dit? Est-ce que vous sentiez de la colère ou est-ce que le bonheur d'avoir été survivant, de s'en être sorti, a été plus fort que la colère? Non, la colère était là, clairement. Ouais. Clairement, la colère était là, un peu contre l'État chilien malgré le sauvetage. Parce que c'est l'État qui avait autorisé la réouverture de la mine, alors qu'elle était considérée comme en très très mauvais état. Et donc la colère contre le patron, oui, certainement. D'ailleurs, on a essayé de l'interviewer, il a refusé. Voilà. Donc, ils étaient heureux d'en être sortis, bien sûr. Hein, ils se considéraient comme des miraculés. Mmh. Et en même temps, ils sont sortis dans un état quand même pitoyable. C'est-à-dire que terriblement traumatisés. Et quand vous les avez vus, vous, donc deux ans après les faits, dans quel état étaient-ils là précisément? Alors, tous insomniaques, tous prenant des cachets, des antidépresseurs, les uns ayant le courage d'aller dans une ville assez loin pour voir un psychologue une fois par mois, et tous ayant des problèmes de couple. Après ce fait-là, cette mésaventure. C'est-à-dire qu'il y a eu deux souffrances, si vous voulez, mais qui n'étaient pas les mêmes. Ouais. Les femmes qui les attendaient en souffrant, etc. Et eux qui, en fait, avaient peur de la mort. Oui. Bon. Donc, c'était deux choses complètement différentes et les uns ne se comprenaient plus. Ils ne se comprenaient plus. Pourtant, chacun pouvait se mettre à la place de l'autre. Oui, franchement, on dit ça. Oui, on dit ça. Oui, on ne va pas juger. Non, nous, on n'a pas vécu ça. Quel souvenir garde-t-il du ministre Goldbrand, ce jeune ministre des Mines, qui apparemment était un type bien. Il s'est bien comporté pendant cette histoire. Dans votre récit, il est très présent. Dans leur récit à eux, il est absolument absent. Ah bon? De la même façon qu'était absent Louis Sursois. Alors qu'il parlait beaucoup de Mario Sepulveda, celui qui était un peu le bout en train du groupe, et qui, selon eux, leur a permis de tenir moralement. Voilà, donc Mario Sepúlveda est une espèce de d'icône pour eux, et les deux autres, je dois dire, n'existaient pas. Bon, c'est vrai que le récit, on le fait à la fois à l'air libre et dans le trou, finalement. Donc ce qu'on voit dans le trou n'est pas tout à fait ce qu'on ressent à l'air libre, et vice-versa, ce décalage. Alors, que sont-ils devenus? Ça, c'est évidemment une question très importante. Dans la série, que sont-ils devenus? Pour l'un d'eux, nous allons le savoir, nous allons même l'entendre, figurez-vous. Notre reporter, Anaël Verzo, s'est entretenu avec le mineur Daniel Herrera. Alors lui, il est retourné dans la mine, comme d'autres, on en reparlera. Et d'ailleurs, lorsque Anaël l'a appelé, il était au travail, donc à la mine. On l'écoute. Hola, Anaël. Hola, ¿qué tal? Bien, et tu? Muy bien. T'es où, là? Kalamata. À Kalamata, je travaille. Avec ta famille? Non, je vis dans le sud, tout va bien. Gracias a Dios, trabajando. Non, je vis dans le sud, tout va bien. Grâce à Dieu, je travaille. Trabajo en minería. Pero ahora en la gran minería. Mais maintenant, à la grande mine. Manejo camiones de todo. Grande, grande. Manœuvre, camion. Como estoy bien, bien trabajando, como te digo. Tout va bien. Je travaille, comme je te le disais. Et comment s'appelle ta femme? Melanie Mayer. Melanie Mayer. Está en Alemania. Elle est en Allemagne. Nació la bebé. Le bébé est né. Se llama Sofía Anabela. Elle s'appelle Sofía Anabela. Sí. Nació el 22 de... Elle est née le 22 octobre. Qué bueno. Et ta famille, tout va bien? Tout le monde va bien? Mi familia está todo bien. Oui, tout le monde va bien. Ta mère, elle n'est pas trop préoccupée du fait que tu travailles à nouveau à la mine? Non, parce que je ne travaille plus au fond. Je travaille à la surface. Dans de meilleures conditions. Estábamos haciendo el cambio de chofer, Anaël. Sí, Daniel. Como yo estoy trabajando. C'est parce que je suis au travail. Il est quelle heure au Chili? Son las 7:57. 7:57. Vale, Daniel. Gracias. Buen trabajo. Que estés bien. Un abrazo y un beso. Que estés bien. Salut. Gracias. Cuídate mucho. Bye. Bye, bye. Baiser, bise. Ciao, ciao. Voilà, 6 ans après, la voix de ce mineur. Alors, on revient pas sur les faits avec lui, mais il y a quelque chose d'une ambiance, quoi. Qu'est-ce que ça vous projette, ça? D'abord, la langue espagnole me touche avec leur accent que je reconnais, vraiment, que je connais bien. Non, la plupart d'entre eux, lui, il est parti dans le sud. La plupart d'entre eux sont restés. Ils sont restés dans le nord. Et dans le nord, en fait, il n'y a que la mine. C'est un désert. Donc c'est un désert magnifique. Je pense que c'est leur vie, c'est leur paysage. Et donc la plupart, effectivement, n'imaginent pas de partir. Ça veut dire que une bonne proportion d'entre eux est retournée à la mine, c'est ça que ça veut dire? Oui, ils essayent absolument de retravailler à la mine. Alors, naturellement, dans ces mines moyennes, elles sont beaucoup moins, je dirais, contrôlées que les grosses mines. Donc... Ils essaient de se faire engager dans les grosses mines, voilà. Mais la plupart veulent ça et veulent aussi. Ils sont fiers de leur travail de mineurs, comme les mineurs du Nord d'ici. Ils sont fiers de leur travail et en fait, ils sont fiers aussi de dompter leur peur au fond. Ah oui, là ils ont été sévèrement testés. Voilà, donc ils sont. Non, la plupart essaient de retravailler à la mine. Voilà. Parce que sinon, il faut être petit commerçant, ou dans ces régions-là, il n'y a pas grand choix. Est-ce que, on va revenir à ce qu'on a évoqué rapidement, ce Mario Sepúlveda, est-ce que sa présence explique en partie la réussite du sauvetage? Parce qu'évidemment, comme la foreuse est arrivée 2 mois et 10 jours après, fallait qu'il y ait entre les mineurs une vraie solidarité. Or, on connaît la nature humaine, et là, c'est un vrai test pour la nature humaine. 33 personnes dans un trou à 700 mètres sous terre, quel test, hein? Ouais, alors, moi, j'avais trouvé extraordinaire que pendant 17 jours, pendant 17 jours, ils n'ont pas été trouvés, parce qu'il n'y avait pas de plan de la mine. Donc, on ne savait pas où ils étaient. Donc, eux savaient qu'on ne savait pas où ils étaient. Donc, ils se disaient, on ne va jamais nous trouver, déjà. Et puis, ils avaient peur à tout moment d'un éboulement. Donc, ils avaient 5 malheureuses boîtes de thon à se partager. Et ils ont quand même pris deux cuillerées, une cuillerée chacun, pendant des jours et des jours, pendant les 17 jours, où ils se sont partagés ça. Et donc, moi, je dirais que c'est moins... Bon, Mario Sepúlveda a visiblement joué un rôle important, mais je dirais le groupe a joué un rôle important. C'est comme Dolto disait que pour les orphelins, que c'était l'orphelinat en entier, le groupe qui jouait le rôle maternel. Bon, moi, je dirais que le groupe là, les a soutenus, beaucoup plus qu'un personnage... particulier. Sylvie Blum, on va se retrouver dans 3 minutes pour parler encore de cette histoire fascinante après avoir entendu Adèle qui chantait en 2010, hein, l'année de référence de notre histoire, Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars. Sylvie Blum, on l'a vu dans le récit, le groupe des 33 mineurs, donc au Chili, a vécu pendant les 17 premiers jours, alors après aussi, mais pendant les 17 premiers jours, dans des conditions absolument terribles, très peu de nourriture, très peu de lumière, une chaleur et une humidité épouvantables, la peur d'un nouvel éboulement, la peur qu'on n'y trouve jamais, hein, finalement, et puis aussi le manque d'eau potable, évidemment, pour un être humain, c'est absolument terrible. Alors je vous propose, pas à vous, parce que vous connaissez pas parfaitement mes auditeurs, d'écouter un extrait de votre documentaire, Sylvie Blum, dans lequel Pablo Rojas et Victor Segovia, c'est cela, racontent comment ils ont fait pour s'hydrater. J'avais renoncé à la vie au fond de la mine. Quand on discutait, je disais, il faut absolument garder de l'eau à proximité. Et quand nos jambes ne nous porteront plus, on pourra boire. Je pensais que la mort ne serait pas douloureuse parce qu'elle nous trouverait endormis dans nos rêves. On a eu cette chance d'avoir de l'eau, car on peut se passer de manger, mais on ne peut survivre que si on a à boire. Mais ce n'était pas de l'eau potable. C'était de l'eau dont on se servait pour travailler. Il y avait toutes sortes de choses dans cette eau. De l'huile, des résidus de gaz d'échappement, car tous les camions passaient par là. Elle était noire. Si on y mettait la main, elle ressortait toute noire. Les fumées et les substances toxiques retombaient dans les citernes. Mais cette eau nous a sauvé la vie. Si on n'avait pas eu, on y serait tous passés. Est-ce qu'ils ont eu des maladies après ? Vous savez ça ? Victor Segovia, qui était quelqu'un, un bon vivant, avait perdu 30 kilos en 2 mois et demi. Non, c'est-à-dire que, en fait, après, ils ont eu des maladies psychiques. Enfin, après, ils se sont reconstitués physiquement. Enfin, moi, je les ai déjà vus reconstitués. J'avais déjà repris ces kilos, je dirais. Alors que je voyais des photos de lui à la sortie de la mine, c'était une vraie différence. Mais par contre, c'était psychiquement qu'ils ont eu vraiment des maladies. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à revivre normalement, vraiment. Et parmi les 7 que vous avez rencontrés, vous avez décelé certains plus atteints que d'autres psychologiquement, ou c'était plutôt le même profil parce qu'ils avaient vécu la même chose ? Non, clairement, il y avait des gens plus atteints que d'autres, clairement. Clairement, Alex Vega, vraiment, m'avait beaucoup touché parce qu'il était totalement désemparé de... Il n'arrivait pas à surmonter cet événement, alors que Victor et Pablo, finalement, d'ailleurs que j'ai fait venir à Lens dans une projection avec tous les mineurs du Nord qui ils se sont rencontrés avec les mineurs du Nord, c'était très très touchant. Et Victor et Pablo aussi, parce qu'ils étaient cousins peut-être, arrivaient à prendre sur eux, alors que le Alex Vega, pas du tout du tout, il était vraiment lui sous caché, sous dans, c'est-à-dire que oui, il y avait des différences de tempérament qui ont joué, oui. Quelle était votre intention de tournage ? Vous savez, vous avez fait ce documentaire, ce qu'on appelle la note d'intention, quand on veut séduire un producteur. C'était quoi vos idées ? Vos idées forces pour ce reportage ? Mon idée, c'était en fait, parce que moi j'avais l'impression, je me disais, les médias, est-ce que ça je dirais, infecte les gens ? C'est-à-dire, est-ce que finalement ils y ont cru qu'ils étaient des héros et est-ce que ils attendaient à avoir des milliards, est-ce que les médias ont réussi à les duper, bon. Et alors je me suis aperçue, et vraiment peu à peu, que pas du tout, que je tombais sur des gens extrêmement lucides qui d'emblée ont bien vu le décalage qu'il y avait entre leur vie réelle et la représentation qu'on en faisait dans les médias, les voyages qu'on leur a fait faire dans le monde entier, Euro Disney, les îles grecques, etc. Ils sont tous partis en cours. Mais ils se rendaient bien compte qu'ils allaient à un moment donné retomber, je dirais, sur terre. Ah oui. Voilà. Et cette lucidité, j'ai pas trouvé des gens dupes du tout. Voilà. C'était un peu, mon idée, c'était de voir comment les médias influaient dans un événement comme ça traumatique sur les gens. Et finalement, il y avait une distance, je dirais, tout à fait raisonnable. Alors, si ces mineurs s'en sont sortis, c'est aussi d'abord grâce à eux, finalement, grâce à leur capacité, puis à cet instinct de survie. Mais je préfère parler de capacité humaine à réfléchir à l'instinct de survie plutôt que l'instinct lui-même. Et j'en ai perdu ma question, donc je vais essayer de la retrouver. J'ai exactement ce que je voulais vous dire. Oui, comment est-ce que vous avez senti ça, cette force-là? Enfin, la question était là. Est-ce que ça s'est traduit dans leur comportement et dans leurs mots que ce sauvetage, ils le doivent à eux d'abord? Non. Non. Non. Non. J'ai trouvé des gens, des hommes ordinaires. Pris dans une situation extrême. Et ayant par contre l'habitude de conditions extrêmement dures, qui sont les conditions de travail dans les mines, c'est extrêmement dur. Donc ils sont quand même habitués à cette extrême chaleur, à cette extrême humidité. C'est leur vie de tous les jours. Donc et la force du groupe, je dirais. Pour moi, c'était pas. C'est un instinct de survie, mais... Socialisé, totalement voilà, socialisé. Totalement. On va écouter une dernière archive, un dernier extrait de votre documentaire. On va écouter ce que vous a dit Alex Vega, donc l'un des 7 que vous avez rencontrés. Étant donné les circonstances, sachant que le sauvetage serait difficile, on s'est dit... Enfin, moi, je me suis dit qu'ils n'allaient peut-être pas nous trouver. On a attendu très longtemps avant d'entendre la perforation. Elle n'arrivait jamais jusqu'à nous. On les entendait, et puis ça s'arrêtait. J'ai souvent perdu tout espoir qu'ils nous retrouvent. Alors, quel a été le poids, si tant est qu'il y en ait eu un, de la religion? Je crois que ces hommes étaient assez croyants. Ça a joué sur leur mental pour tenir. Est-ce qu'ils vous ont confié ça? Pas du tout. Pas du tout. Ils ne m'ont pas du tout parlé de religion. Par contre, les femmes qui les attendaient priaient. Ouais. C'était les gens de l'extérieur qui priaient. Eux, j'ai l'impression qu'après l'événement, peut-être intérieurement, mais ils ne m'ont pas du tout parlé de ça. Et vous, il nous reste 20 secondes. Qu'est-ce que vous retirez de cette enquête auprès de ces gens-là, personnellement? Personnellement, je trouve que ce sont des gens magnifiques, très très dignes, très lucides, et par contre que leurs conditions de travail devraient être véritablement améliorées. Oui, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que s'il y a eu cet incident-là, c'est parce que les consignes de sécurité n'étaient pas au top, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Merci, Sylvie Boom, merci infiniment, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le sauvetage de 33 mineurs dans une mine du Chili, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le référendum de 2005 sur la Constitution européenne.